dimanche 28 août, Mélanie Fleurant à la barre pour l'émission Les Différents. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on va parler d'entrepreneuriat. Je suis contente, mais détrompez-vous, je prendrai pas la place à François Bégin et Jessica Schooner dans Entraîne tes finances. Inquiétez-vous pas, je leur laisse ça, ils font tellement bien. Mais moi, de mon côté, j'aime ça entreprendre différemment. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce midi, je reçois, je sais pas si vous la connaissez, elle est quand même pas mal active sur les réseaux sociaux. C'est Marie-Hélène Rézy, fondatrice de l'école d'affaires Pleine Conscience. Avec elle, on va parler de spiritualité en affaires. Donc, ça peut sembler contradictoire, la spiritualité, les affaires. On sait qu'en affaires, souvent, ben, les chiffres comptent, on est dans notre tête, on veut performer, on veut se démarquer. Et on veut faire de l'argent coûte que coûte des fois. Ça, c'est triste, c'est le côté triste. La seule place où est-ce qu'on veut pas se démarquer, justement, c'est quand on parle de spiritualité, de peur de se faire ridiculiser par nos collègues, voire même des fois le patron. Pour plusieurs, ça va pas ensemble. La spiritualité, on doit laisser ça à la maison. On n'en parle pas au travail, ça n'a pas sa place. Mais quand on dit spiritualité, on veut dire quoi au juste? Est-ce qu'on parle de méditation? Est-ce qu'on parle d'intuition, de foi, de religion? Donc, il y a beaucoup de tabous qui entourent tout ça. Et donc, comme je vous disais, je reçois Marie-Hélène Rézy. Bonjour, bon midi. Bon midi à toi. C'est plein de questions, hein? Merci d'être à l'émission. C'est très gentil. C'est une grande générosité. On parle de spiritualité, mais j'aimerais ça savoir qui est Marie-Hélène Rézy avant. Qui est-ce que t'es? Parce qu'on le voit sur les médias sociaux. Qui est-ce que c'est Marie-Hélène? La grande question, elle est tellement guidée, ta question, en fait. T'as fait un beau lapsus en entrée en matière. Tu as dit l'école... Pleine conscience, alors que c'est l'école d'affaires pleine pratique. Pleine pratique. Je me suis vraiment trompée. C'était un beau lapsus. Désolée. quelle entrée en matière. Donc, alors tout d'abord, quel bonheur pour moi de vous retrouver tous ici. Je ne crois pas au hasard. Je pense qu'on avait rendez-vous. Mm-hmm. On dit dans le cours en miracle qu'on enseigne comme fondement à l'école, qui est un livre, un best-seller planétaire. Et pour moi, c'était essentiel de reposer nos enseignements sur quelque chose de solide, que le hasard fait pas partie du plan de Dieu. Alors ça, c'est merveilleux quand on se repose dans le processus. Alors, qui suis-je? Pour répondre à ta question, Mélanie, je pense que je suis sur un chemin où nous sommes tous, c'est-à-dire de se réapproprier notre identité. La question. Et la société n'a pas envie, l'ego et la vaste hallucination du monde actuel n'a pas envie qu'on redécouvre et qu'on soit en connexion avec qui l'on est. Mm-hmm. C'est un inconvénient, en fait, mm-hmm. pour beaucoup. Non pas parce que je crois que la société est mal, je crois juste que pour beaucoup, nous sommes encore endormis. Oui. Et donc, qui je suis? Bien, j'ai été en finance pendant 11 ans et je suis rentrée dans les modèles connus et répandus de performance, mm-hmm. de productivité, de réussite, de capitalisme, de consommation, le gros cash, le gros char, la grosse job. Ça ressemble à ce que je décrivais tantôt, finalement. Tout à fait. Oui, sur le monde des affaires tel qu'on le connaît. Oui. En général, en tout cas. Et je veux juste être claire. Je crois que l'abondance, c'est un droit de naissance. Je crois qu'on est à l'image de notre Créateur tel que vous le concevez. Que c'est lorsqu'on modélise notre grandeur qu'on inspire et qu'on change les choses. Donc, tout mon discours de cet après-midi ne sera pas à propos de jouer petit, ne sera pas à propos de crever de faim, ne sera pas à propos de donner ses services en se pilant dessus. Je ne suis pas à propos de ça. Mm-hmm. Et donc, j'ai été 11 ans en finance. Oui. pour me rendre compte, à un moment donné, après avoir monté un portfolio de plusieurs millions avec quelques clients seulement, que ce que je faisais en finance, c'était pas de la finance. Non? Non. C'était quoi? C'était quoi, au juste? Un soir, je tapais à l'ordinateur, puis je suis tombée sur un site qui parlait de coaching. OK. Et je me mets à lire ça, Mélanie, puis des grosses larmes coulaient sur mes genoux. Mm-hmm. Sur mes joues. Peut-être ben, même sur mes... Il devait se rendre là. Ça dépend de la position, tu sais. T'sais, on peut être assis. Tout à fait. Je pense que Mélanie, ça se rendait sur mes genoux. Je pense qu'on va avoir plein de lapsus aujourd'hui. Oui, définitivement. Et donc, j'appelle maman, puis je dis, maman, j'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, je suis en train de lire sur le coaching, puis je me rends compte que c'est ça que je veux faire. Est-ce que je me serais trompée toutes ces années-là? Mm-hmm. Puis elle m'a répondu, puis j'ai monté tout ce portfolio-là, ces clients-là, ce business-là pendant 11 ans, puis là, j'en vis très bien. Mm-hmm. Et elle me dit, tu sais, Marie-Hélène, cet appel-là que tu ressens à l'intérieur, il va bien falloir que tu y répondes un jour. Autrement dit, c'était à contre-nature. À un moment donné, à force de sauver, ça nous revient tout le temps d'une manière ou d'une autre, à ce que je comprends. C'est tellement juste, qu'est-ce que tu dis, parce que je me retrouvais face à un déchirement. J'avais adopté les valeurs qui nous est proposées. Tu sais, c'est tellement naturel pour nous, jeunes, d'aller dans l'attaque, d'aller dans la séparation, d'aller dans la tête, que plus tard, quand ça nous rattrape, puis on commence à entendre la petite voix, mm-hmm. quand on commence à se dire, mais attends... Le monde que je vois, c'est pas celui auquel j'aspire. Il se produit un déchirement hallucinant. Moi, ça m'a amené dans l'épuisement. Oui. Comme beaucoup. J'en ai parlé à la première émission mm-hmm. Avec mon invité où est-ce qu'on parlait des. Avec Denivielle, qu'on parlait de pas suivre son instinct, les différences mmh. en général, mmh. et puis ça amenait souvent à ça. Tu ramènes à un point qui est, je pense, important. On va jusqu'à l'épuisement, la dépression, parce qu'on suit pas notre instinct, on suit pas qui on est. On est dans notre tête tout le temps, mais on n'est pas dans ce qu'on est censé être, notre esprit, dans le fond, là. Tout à fait. Et puis si on regarde... Puis je vais faire référence quelquefois au cours en miracle parce que c'est ce qui transcende à travers tout ce que j'enseigne dans les pratiques d'affaires. Mm-hmm. Et les gens qui y viennent sont de toutes les religions ou d'aucune religion, je tiens à le préciser, c'est important. Oui. Et donc, ce qu'on apprend dans la dépression qu'on vit dans la société actuelle, ceux qui sont en dépression, c'est qu'ils sentent intimement la vaste hallucination dans laquelle on est. Ils sentent intimement que ça marche pas. Non. Et à l'intérieur d'eux, ça les plonge dans un tel désarroi, dans une telle impuissance, dans un tel décalage, Mélanie, que c'est ça qui amène la dépression. C'est pas qu'ils ne sentent plus les choses, c'est qu'ils les sentent trop. Mm-hmm. C'est intéressant, vu de même. Ils les sentent trop. Donc, autrement dit, il y a une hypersensibilité. À un moment donné, oui. les babines, comme on dit en bon québécois, les babines ne suivent pas les bottines. Mm-hmm. C'est la société nous dit souvent d'aller vers le côté plus de tête. Mm-hmm. Tandis que nous, on n'est pas qu'une tête, là. On n'est pas juste là, là. On n'est surtout pas une tête. Mm-hmm. On est dans ce monde, mais pas de ce monde. On est un esprit. Je veux dire, notre corps, ce qu'on apprend en étudiant moindrement la spiritualité, je veux dire, c'est des habits qu'on va laisser. C'est ça, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Oui. Et donc, et comment on a de preuve de sentir nos êtres chers décédés, de sentir des énergies de bon. Et tant qu'on est séparé, parce que la définition du mot spirituel, c'est de l'esprit. Et tant qu'on agit juste à partir de l'hémisphère gauche, mm-hmm. mon enseignement à moi, c'est que nos résultats sont beaucoup plus faibles que ce qui pourrait être en affaires incluant, parce que tout est spirituel. Tout devrait procéder à partir de ce qu'on a de plus grand à l'intérieur de nous. Sinon, on se coupe de quelque chose. Mm-hmm. Et c'est là où moi, je trouve que la spiritualité est de passer de l'ambition à l'inspiration. Fait faire des résultats extraordinaires. C'est d'ailleurs les fondements sur lesquels on repose le nouveau modèle d'affaires qu'on enseigne à l'école. Alors, pour revenir à un plein cercle à ta question, parce que j'ai pris un détour. Oh, c'est pas grave. Ça m'arrive tellement souvent. Il n'y a pas de problème. Les auditeurs, ils commencent à être habitués à ma façon de faire. Alors, on les remercie de me suivre et de tenir bon. Et donc, je suis allée vers le coaching, je suis allée dans l'épuisement, et à 40 ans, je suis tombée enceinte. J'ai eu une expérience de mort imminente. Et les 2 ans qui ont suivi, ça a été un post-traumatique grave, dans laquelle ma vie est devenue extrêmement petite, comme un soldat au Vietnam qui voit son meilleur ami se faire exploser devant lui. Et je vis constamment, depuis ce moment-là, avec la fragilité de la vie, je la touche à tous les jours, et l'urgence de remplir notre mission de vie. Alors moi, je dois te dire en toute sincérité qu'aujourd'hui, j'ai pas de tolérance à entendre la bullshit. J'ai pas de tolérance à quelqu'un qui me dit « On peut pas mélanger corporatif et spiritualité. » Dans ma tête, t'es en train de me dire de m'amener à moitié dans la relation avec mon client. Ce n'est pas possible. Non. Et je suis pas en train de dire qu'il faut commencer à un meeting de conseil administratif par « Dieu est grand ». Mais ça existe. Il y en a qui... Il y a des entreprises, sont rares, mais ça existe. Au Québec, j'ai fait un peu de recherche Google, là, vous allez voir. Oui, ça existe. Ah, tant mieux. Tant mieux si c'est possible. Mais déjà te dire, je vais renoncer à apporter une intention à cette réunion-là et à la manipuler. Parce que si j'arrive dans ma réunion avec une intention de te vendre, je suis déjà... dans du transactionnel, je suis déjà en voulant, dans l'ego et en voulant manipuler ce qui va se passer. Je suis plus dans la rencontre. Ben, on est dans la tête. On est complètement dans la tête. La transaction, c'est la tête. Et c'est... on est devenu archi-transactionnel. Oui. Oui. Puis, quand on commence à prendre l'entrepreneuriat, et qu'on jumelle ça, même si ça semble pas naturel, quand on regarde les plans d'affaires conventionnels, tout ça, comment les autres nous perçoivent, ils doivent nous demander, ils doivent se demander d'où est-ce qu'on sort quand on arrive avec la spiritualité en affaires, les plus conventionnels. C'est là où je pense qu'il est extrêmement important de l'ancrer sur du solide. Parce qu'évidemment, quand on avance des modèles comme ça, on va se frapper à des gens qui n'y croient pas du tout, et pour qui c'est trop confrontant de regarder d'autres façons de faire des affaires. C'est correct, ça leur appartient. Et faut comprendre que si on choisit d'aller vers faire des affaires de cette façon-là, on est en train, vous et moi, d'innover. On est en train de faire ce qu'on appellerait en anglais d'être des trailblazers, des représentants de l'alternative, dirait le cours. Et alors, il faut pas tant se focusser sur les portes qui sont fermées que comme apporter ça dans le monde avec beaucoup de solidité. Et c'est pour ça, moi, que aujourd'hui, ce qui me convient à moi, puis c'est pas la seule porte, mais moi, c'est la porte que j'ai trouvée, c'est de m'appuyer sur les fondements du courant miracle. Quelqu'un pourrait choisir de s'appuyer sur Eckhart Tolle, le moment présent, sur la pleine conscience. Il y a tellement de portes qui mènent et en passant, l'éveil, beaucoup de gens vous font à croire que c'est très difficile puis que c'est un apprentissage. Non, l'éveil, c'est un désapprentissage des règles de la société actuelle qui sont à 180 degrés des règles de Dieu tel que vous le concevez, de la pleine conscience, de l'humain. Et donc, je pense que si on est pour apporter ça dans le monde, il faut le reposer sur... De la théorie et des enseignements qui sont solides. C'est pour ça que pour moi, le cours en miracle, étant des leçons qu'on applique tout au long de l'année, à chaque jour, étant une pratique rigoureuse spirituelle, me convenait pour mixer ça avec les affaires parce que je viens d'un monde cartésien. Je veux dire, la majorité, on vient tous comme ça. Ouais. On vient tous d'un monde qui est très, cartésien, conventionnel. Il faut pas être différent trop, puis c'est la mission justement de cette émission-là. Comment est-ce qu'on s'en sort à un moment donné de dire, ben regarde, moi je mets mon pied à terre, puis je vais à l'encontre de ce que peut-être ma famille, mes amis pensent quand on arrive avec un projet d'affaires. Déjà, on se fait souvent dire, ben pourquoi tu restes pas employé, tu vas être salarié, ça va bien. Déjà là, on est à contre-courant. Puis là, si on rajoute une couche, puis on met la spiritualité là-dedans, ça se peut-tu qu'on fasse un petit peu de flamèche autour de nous? Définitivement. Je me souviendrai toujours d'un membre de ma famille qui m'avait dit, quand j'avais parlé de ça, que je voulais m'en aller là-dedans, qui m'avait dit « Penses-tu que les gens vont vouloir se confesser en faisant des affaires puis écouter Moïse? » Mais Moïse, j'ai okay. tellement... Tu sais, c'était tellement énorme comme caricature, là. J'avais jamais parlé de ça, tu sais. C'est tellement, pour certains, un mauvais souvenir, hein, parce que... Ouais. Puis je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Et le cours, moi, m'a beaucoup... guéri puis apaisé par rapport à ça, parce que oui, je pense que dans les enseignements religieux qu'on a eu, il y a plein de belles épiphanies, des réalisations, mais je pense aussi que ça a été écrit, certains passages, par des hommes qui étaient très dans leur humanité, qui oui. étaient très des... Bon. Et je pense qu'il faut apprendre à distinguer certaines choses et se réconcilier avec des vérités. Donc, mais je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, et pour annoncer ça à tes proches, de vouloir mixer ça puis t'en aller vers autre chose, je pense que c'est important de t'affranchir du regard de l'autre. Et la façon de le faire, je trouve, c'est d'instaurer une vraie pratique spirituelle tous les matins, tous les jours. Si vous allez dans le monde sans vous shielder, sans vous primer l'esprit, puis tu sais, je parle de spiritualité, pour moi, c'est le courant miracle, puis c'est ce qu'on enseigne, mais ça peut être des visualisations, ça peut être marcher dehors, ça peut être un moment de contemplation, ça peut être du yoga, ça, bon. Ouais. Mais si tu commences pas par ça, tu reçois toutes les attaques du monde extérieur, tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, tous les grands qui parlent de leur tête, puis nos dirigeants. Et là, tu te mets à vibrer de l'anxiété à l'intérieur et tu peux pas aller et changer le monde en étant dans une vibration comme ça de peur. Tu t'es pas nettoyé de la veille, entre guillemets. Donc, de la même façon que tu prends ta douche avant d'aller travailler, il faut que tu purge ton esprit de la peur et de l'anxiété et des attaques de la veille. Ben, ça fait mettre le cerveau à off. Si, admettons, on prend le yoga ou la méditation, tout à fait. Ça aide à mettre le cerveau à off, ça se nettoie. Tout à fait. On rallume après et ça. Et donc, quand tu t'en vas parler de ça à tes proches, tu vibres tellement haut comme que tu es un peu radioactif. Fait que tu entends ce qu'ils disent, mais c'est comme si le stuff ne collait pas après toi. Mm-hmm. Fait, tu sais, je veux dire, pour le membre de ma famille qui m'avait dit ça, je l'écoutais, puis parce que je m'étais primée avant, je disais, ben écoute, je vais aller me chercher une tisane au moment où il se mettait à partir là-dedans, puis je disais, t'en veux-tu une? Tu sais, t'interromps le pattern. Puis, alors ça, c'est la première condition. La deuxième condition, Mélanie, que je vois pas assez souvent chez les entrepreneurs, c'est de décider. Oui, je pense que un des plus grands défis de nos entrepreneurs qui se lancent en affaires, c'est de décider de brûler les bateaux s'ils veulent conquérir l'île. De décider aussi, quand on part en une entreprise, de décider pour les bonnes raisons. Ça pourrait faire partie aussi de ce point-là, non? Oui. Parce qu'on peut souvent le voir, ça, par exemple, les gens vont pas partir pour les bonnes raisons. C'est, ben, regarde, je vais essayer de faire un petit coup d'argent à sideline, tout ça. Puis là, ben, ça peut arriver, ça. Je l'ai entendu aussi autour de moi. Et j'aurais envie de te faire du pouce sur ce que tu dis. Je m'excuse de t'interrompre. Ben non, pas du tout. Mais c'est trop important. Et pour moi, l'antidote à ça, c'est que tu dois relier une entreprise à ta cause. Alors, mes questions principales pour mes clients privés, c'est de leur dire, quelle est ta cause derrière ton entreprise? Pour qui veux-tu être un héros dans la société? À qui veux-tu donner une voix dans la société? Tu sais, qu'est-ce que tu veux changer fondamentalement dans le statu quo actuel? Parce que si ça, c'est pas connecté, c'est sûr qu'à la moindre débarque, tu vas vouloir accrocher ton tablier. C'est ça. Et c'est là qu'on arrive dans la spiritualité, Mélanie. C'est là qu'on pense aussi, si on fait ça pour l'argent, bien, c'est sûr et certain que les portes ferment, c'est pas long. L'argent peut jamais être le but. Il est la conséquence de... Mm-hmm. Et trompez-vous pas, un modèle d'affaires qui fait pas d'argent, c'est pas un bon modèle d'affaires. parce que c'est le sens de ton entreprise. Non, ben ça, entreprise, c'est la fille aussi des finances qui, qui sait de quoi elle parle. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, ouais. Bon. Ça c'est dit... ça, il y en a qui pensent que spiritualité en affaires, ça peut pas fonctionner parce que ça fait pas d'argent non plus, mais ça fait pas de sens si c'est juste un ou juste l'autre. Donc, c'est un bon mix des deux. C'est pour ça aussi que ben, l'école existe. J'aimerais ça, on va prendre une petite pause musicale, on va aller écouter du Jason Mraz, je sais pas si t'aimes, mais on va y aller avec justement Shine, puis on revient après, puis j'aimerais ça qu'on parle des passions, des femmes aussi, parce que je sais que c'est quoi, 90% de ta clientèle que c'est des femmes? Exact. Et quelques gars cool que j'ai lus aussi sur le site. Donc, messieurs, restez à l'antenne, il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à écouter, c'est pas une émission que féminine. Donc, on va aller écouter, on va aller en musique et puis je disais que je voulais qu'on parle des femmes et l'argent. C'est 90% que je disais de ta clientèle. Pourquoi autant de femmes? Est-ce qu'elles se sentent plus interpellées par la spiritualité, par oui, les affaires, mais aussi en même temps peut-être se rencontrer entre femmes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes à ton école? D'abord, il faut savoir que j'ai 50% de ma clientèle en Europe aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une école internationale dont les enseignements sont principalement sur le web et sur des ponts téléphoniques. Et il y a aussi des enseignements en salle à Paris et ici. Pourquoi autant de femmes? Il faut savoir qu'au début, je m'étais « nichée » en guillemets sur les femmes. Je me sentais plus proche d'apporter ces sujets-là avec d'autres femmes. Pour moi, c'était moins menaçant au fur et à mesure que je me découvrais là-dedans. Mais aujourd'hui, le message s'étend aux hommes comme aux femmes parce que le message principal de l'école, qui est comment avoir plus de clients rapidement tout le temps, est en train de migrer vers comment retrouver votre identité de faiseur de miracles, entre guillemets. Mm-hmm. Parce qu'un entrepreneur, là, c'est un faiseur de miracles. Il fait apparaître une business, une solution. Qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Moi, je pense tout le temps à Steve Jobs. Je veux dire, il a changé la face de la planète pour toujours. Complètement. Et il fait apparaître des millions où il n'y avait rien. Et donc, pour moi, plus récemment dans mon histoire, après avoir vu le film Racing Extinction, qui explique et que je recommande à tout le monde, qui a aussi une version avec des sous-titres français, je pense que vous pouvez le retrouver sur YouTube, donc qui explique à quel point on est en train de rentrer dans la sixième plus grande extinction. Pour moi, c'est la dernière poussée qui me manquait pour sortir complètement du garde-robe avec cette histoire-là et d'inviter et les femmes et les hommes maintenant de rentrer dans leur nature, de se coller à la force de Dieu telle qu'ils le connaissent eux, de savoir qu'ils peuvent faire des miracles à travers eux et à travers leur entreprise qui touche des centaines et des milliers de vies. Mm-hmm. Et pour moi, on n'a plus le luxe de séparer spiritualité et affaires. Donc, pour te répondre qu'au début, je me sentais plus confortable avec les femmes, et maintenant, je veux apporter un modèle d'affaires qui passe de l'ambition à l'inspiration, dans lequel on met la spiritualité à la base du modèle d'affaires. Après, on met des stratégies ninja hyper puissantes derrière l'entrepreneur, parce que je travaille avec une équipe d'experts. Mm-hmm. Et c'est à propos d'avoir un modèle rentable, mais c'est à propos de ralentir et de faire moins mieux. Je dis souvent que moins, c'est le nouveau mieux. Et parce... Alors, on va à contre-courant, là. Oui. Moins et mieux dans la même phrase? Tout à fait. Comment on fait ça? Je sais que je t'apprends un peu au dépourvu. Tout est tellement parfait. Lorsque je vais vous inviter à rester avec moi, je vais vous expliquer un enseignement spirituel plus flyé, mais je pense qu'on est en terreau fertile. Oh, je ne suis pas inquiète. Je suis pas inquiète. Les gens qui écoutent les différences, c'est justement pour cette raison-là. Dans le cours en miracle, on apprend que parce que la société nous a tellement, excusez le mot là, mais si on se connaissait beaucoup, je dirais la société nous a un peu focaillé l'esprit. Mais on se connaît pas tant que ça, fait que je prendrai pas grave. On prendra pas la chance, on ne dira pas. On ne dira pas ce mot là, mais la société nous a bousiller notre jugement qui était saint au point de départ, qui était vraiment divinement inspiré tel que vous le concevez. Et donc, ce qu'on apprend dans les fondements de toute spiritualité, c'est qu'on regarde toujours les yeux avec les choses avec les yeux du passé, qu'on a plein de jugements, chose qui est ta cause, Mélanie. Oui, la mienne, oui. Et on apprend dans le cours en miracle qu'on n'a pas la tête qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Mm-hmm. Parce que non seulement on regarde avec les yeux du passé, non seulement on est rempli de jugements et de culpabilité, mais en plus, on ne sait même pas comment prendre une décision pour s'assurer que ça va être pour le plus grand bien de tout le monde impliqué. Mm-hmm. Donc, ce qu'on apprend dans une pratique... On n'aurait pas un petit peu de rancœur là-dedans? Oh! Je dis ça de même. J'aime l'understatement du « un petit peu ». Un petit peu. Les gens me disent des fois, tu sais, toi, t'as-tu encore de l'ego? Oui, oui, il n'y a pas de trouble. Tu peux avoir encore... Il est tout là. Tu peux avoir encore de l'ego puis être en marche vers. Mais c'est de le savoir, puis c'est de plus en plus le prendre la main dans le sac. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'est pas équipé pour prendre des décisions seules. On n'a pas la tête qu'il faut. Donc, pendant qu'on est en train de désapprendre avec une pratique spirituelle sérieuse, puis de se revisser la tête sur le sens du monde, et de revenir dans notre sainteté de jugement et notre esprit entier, au lieu de fréquemment tomber endormi puis d'embarquer dans les illusions qu'on veut bien embarquer à chaque jour, on apprend tous les matins à s'asseoir et à demander c'est quoi mon prochain pas. Oui. Et à ne pas bouger tant qu'on n'a pas la clarté de voir c'est quoi le prochain pas. C'est intéressant à faire comme exercice. Il y en a beaucoup qui resteraient assis. Si on le fait physiquement, qu'on reste assis, puis qu'on se lève pas tant que on n'a pas quelque chose qu'on veut faire vraiment de ressenti, ouais. Il y en a une gang qui vont rester chez eux, là. Moi compris, là. Moi, je suis pas parfaite, là. Moi, je suis pleine de défauts. Puis j'aime ça comme ça. Mais ça, c'est une parenthèse. Tout le monde va apprendre à me connaître de plus en plus. Et puis, donc, un coup qu'on se lève, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire, c'est là où est-ce qu'on peut avancer. Qu'est-ce qu'on fait avec... tantôt, tu parlais de culpabilité, mais l'hypersensibilité aussi peut freiner plusieurs femmes en affaires. Je prends un exemple bien proche de moi d'une fille qui s'appelle Mélanie et que je connais pas du tout. Comment on fait quand on est une hypersensible? Je pose la question pour moi, mais je pense qu'il y en a plein qui écoutent, qui sont aussi des hypersensibles, puis qui se demandent, mais pourquoi quand cette personne-là me crie après, ou peu importe, aussitôt qu'on crie après quelqu'un, ou on vient les yeux, des fois plein d'eau. Des fois, ça arrive aussi. On est touché, on a l'impression d'être une éponge. Comment on fait pour dealer avec ça quand on est une femme en affaires? Parce que moi, j'ai vu des études qui disaient qu'un homme qui arrivait et qui pleurait versus une femme qui pleurait dans la même réunion, l'homme était vu comme un être sensible et la femme comme étant une pleurnicharde. Quand on veut défaire cette mentalité-là, cette façon de voir les choses que la société nous amène, qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut gérer cette hypersensibilité-là en affaires? Alors, moi, je vois trois avenues à ta question. D'abord, la première, c'est de comprendre que cette hypersensibilité-là, c'est un don. OK? C'est un don qui vous permet... C'est le même don qui vous a permis de voir ce qui avait à changer dans la société. C'est le même don qui vous permet de ressentir ce qui doit être créé, OK? Puis de vous connecter à vraiment des processus intuitifs qui vont faire briller votre entreprise. Fait que ça, c'est un don, OK? Maintenant qu'on le sait, on va, en deuxième lieu, éviter d'être en contact avec les gens qui sont toxiques pour nous. Alors, soit, ça veut pas dire, des fois, c'est même des membres de la famille, ça veut pas dire de plus les voir. Ça veut dire soit qu'on les dilue dans d'autres mondes, on les voit en groupe, ou soit qu'on les voit en dose homéopathique. Mais ça, c'est un geste d'amour envers soi. OK? C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Mais moi, ce que j'enseigne à nos clients puis nos étudiants à dire, c'est que je leur dis, tu peux dire à ta mère, mettons, qui serait contre ton projet, de dire, tu sais, maman, je sais que tu veux mon bonheur. Je sais tellement que tu veux que je sois heureuse. Puis en ce moment, je vais te demander que si c'est pas pour m'encourager dans ce projet-là, ça va être de ne rien dire, s'il te plaît. Ça, c'est dur à dire. Il y en a beaucoup que je suis certaine qui entendent, qui se disent « Hey boy, hein? Hey boy, comme je dirais. » Je pense qu'à un moment donné, c'est... la personne va être capable de l'entendre. Et je pense que c'est une question d'être responsable vis-à-vis son rêve, puis de le protéger comme on protégera un nouveau-né. C'est ça. Puis en même temps, on va... Si on prend l'exemple de la famille que tu viens de donner, on va à l'encontre de certaines valeurs religieuses qu'on nous apprend d'honorer nos parents. Ça veut pas dire qu'on est pas fin, là, qu'on veut pas du tout. qu'on les met pas de côté. Pas du on tout. Les aime tout autant, mais eux peuvent le prendre bien mal. Ça, c'est... Des fois, ça peut faire un frein, même si on a la conviction et qu'on aime ce qu'on fait. À un moment donné, est-ce que ça se peut pas qu'on arrive à un point qu'on a tellement repoussé notre projet, appelons-le que ce soit un projet bonheur, que ce soit... Appelons-le comme on veut. On l'a tellement repoussé à cause qu'on entendait ces commentaires-là qu'à un moment donné, on dit de la chenoute. On peut dire ça de même. De la chenoute. On avance pareil. On avance pareil, puis on décide quand même d'avancer vers ce projet-là. Et ça m'amène au troisième point. Tout à fait. C'est très, très juste ce que tu dis. En fait, moi, c'est pour ça que dans le cours, on dit à un certain endroit, on dit il n'y a rien dans ce monde qui a des racines assez profondes pour vous satisfaire. Il n'y a rien dans ce monde qui a des racines assez profondes pour vous faire sentir comblé à long terme. Oui. Okay? Donc, c'est pour ça que je parle, Mélanie, de la pratique spirituelle, c'est importante. Toutes les philosophies spirituelles reconnaissent l'importance du matin. Donc, si tu vois ta famille déjà en t'ayant shieldé le matin et en ayant fait ta pratique spirituelle, déjà, tu vas être plus en mesure de juste accueillir que la personne est là pour là. Elle te parle d'elle. Il ne faut pas oublier que les gens nous parlent constamment d'eux et de leur peur à eux. Et c'est pour ça que mon troisième point est un passage obligé pour moi, pour les entrepreneurs. Avant de fonder l'école, j'ai été 4 ans à suivre des cours avec le groupe Conscientia, que je vous recommande, groupe E avec un conscientia.com, où tous les enseignements de la communication non-violente ou communication consciente. Ce qui nous manque cruellement, les femmes en affaires principalement, les hommes aussi d'ailleurs, ne sont pas exempts de ça, c'est les mots pour dire. Et quand on est devant un membre de la famille qui nous dénigre notre projet en affaires, on ne se sent pas assez dans notre puissance de communiquer ce qui est vivant pour nous. C'est-à-dire que si on était capable de bien nommer nos sentiments, bien nommer nos besoins, on serait en mesure de leur faire une demande dans laquelle on se sent solide et dans la bienveillance en même temps. Les gens pensent que si tu mets tes limites, tu t'exclus de l'autre, tu te coupes de l'autre, tu fais mal à l'autre. Or, c'est faux. C'est ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand tu es dans la connexion à ce qui est vivant en toi et tu le déposes devant l'autre, il n'a d'autre choix que de descendre dans ce qu'il est vivant pour lui. Quand tu descends dans tes tripes et dans ton cœur, pas par panique, pas en larmes, parce que tu as fait un travail pour apprivoiser l'intensité que tu as en toi, les autres pigent ça. Et descendent là et sentent que tu es enraciné, tu es calme. Et par effet, je dirais, ça calme leur peur. Mais il faut vraiment comprendre là, le processus principal qui est les gens nous parlent toujours pratiquement d'eux-mêmes. L'effet miroir qu'on entend souvent en psychologie. Il y a beaucoup de femmes que je vois aller parce que je suis quand même une curieuse de pas mal de sujets, dont l'entrepreneuriat. Puis, je vois beaucoup de femmes qui font de leur passion leur métier. Que je prenne, par exemple, maman tatouée, qui maintenant s'est rendue la récréation, qui, elle, ben, a commencé un blog, tout bonnement, a évolué, puis maintenant, elle fait des conférences. On pense à Jacinthe René, qui a commencé d'une passion. On peut penser à plein de gens. Christine Michaud, ici, à Québec, qui est super inspirante. Puis, comment on peut réussir? Là, on voit ces modèles-là. On peut se dire, à part peut-être pour la récréation, mais Jacinthe René, Christine Michaud, ouais, mais on les connaît, c'est sûr, ça va bien. Marie-Lou avec 3 fois par jour, on la connaît, ça va bien. C'est sûr que le monde a été curieux, puis ben, c'est sûr qu'ils ont aussi acheté le produit, le projet. Mais quelqu'un qui entend tout ça puis qui se dit, ben gars, moi je suis pas connue, j'aimerais ça partir un blog, ça m'intéresse, ça peut être, moi je suis une maniaque de tricot, comme je disais tantôt, alors donne un exemple, ben moi, oubliez-moi là, je parlais pas de moi, si vous m'entendez, je parlais pas, je suis vraiment pas une bonne tricoteuse. ben sinon, ça peut être n'importe quoi. Moi, je trippe, un exemple, faire bon du pudding au chocolat, n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Là, je vous ai nommé des idées, là, prenez-les pas, là, c'est peut-être pas des bonnes idées. Mais on fait quoi quand on veut, on a une passion puis on veut l'amener pour que tout le monde la connaisse, parce que on aime ce qu'on fait, puis on aime plus ça que de faire du 9 à 5. Puis on a un côté entrepreneur. Alors, moi, je vais vous dire, d'abord, premièrement, il m'apparaît important, voire crucial, de faire une différence entre passion et nécessité. C'est-à-dire que si ta passion, c'est le fun, mais que ça ne devient pas une obsession, une nécessité comme l'air que tu respires pour toi, ça ne survivra pas aux claques sur la gueule. Non, hein? Non. Donc ça doit être... Tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, le coaching, quand j'ai commencé là-dedans, je veux dire, je savais... J'ai commencé à créer mariehelenerizy.com avant l'école d'affaires pleine pratique. Il y a une promesse intérieure qui s'est faite à un moment donné. Tu sais, quand tu sens ça ancré jusqu'à dans le bas de ta colonne vertébrale, puis tu te dis... Même s'il fallait que je mange des lentilles pour les 35 prochaines années, ça va être ça ma vie. J'étais prête à ça. Et je vous dirais que tant que c'est pas brûlant comme ça et que vous êtes prêt à tous les sacrifices pour porter ce flambeau-là, je vous souhaite de prier fort parce que c'est à peu près tout ce qui va rester. Ça va être trop difficile. Mm-hmm. C'est trop difficile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve impératif, vous devez avoir un mentor. Vous devez avoir un coach, parce que c'est ma croyance, après 15 ans en affaires, 2 entreprises que j'amène dans le multi-chiffre, tu ne peux pas réussir seul. Je n'ai fait que voir des multimillionnaires, je ne côtoie que des gens très fortunés, puis ce qui est clair pour tout le monde, d'abord, l'épuisement semble presque être un critère de réussite parce que plusieurs ont dansé avec, ils ont dansé près de la faillite régulièrement, mais comme deuxième critère, c'est que personne ne s'est créé seul sa méga entreprise. Ils ont eu des mentors, ils ont eu des coachs, puis vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais je suis coachée à chaque année, je mets des dizaines de milliers de dollars dans mon propre coaching, puis c'est pas est-ce que je me fais coacher, c'est à qui je fais le chèque. Mm-hmm. Parce que je m'entends trop bien tout seul. Tu sais, tout seul, moi, je trouve que j'ai des bonnes idées puis que je suis super. Tu sais, Oui, mais là, ça te met face à toi-même. Ben, là. On te pose, quelqu'un d'extérieur te pose la question, mais là, dans notre tête, ça fonctionne. Mais là, quand on est confronté à notre propre idée, là, on... Puis je me fais mettre des échéances, puis je me fais pousser dans le derrière, puis je me fais dire, Marie-Hélène, t'avais dit que tu ferais ça. Tu sais, ça crée de la responsabilité à haut niveau. Oui. Donc, puis quand tu travailles trop aussi, tu sais, moi, une des plus belles choses qu'un de mes coachs m'a déjà dit, c'est, Marie-Hélène, prends une sabbatique des résultats, puis fais donc ce que t'aimes faire par amour du service quelques semaines. Ça aussi, ça fait du bien à un entrepreneur d'entendre ça. C'est pas le... C'est pas ce qu'on entend le plus en tant qu'entrepreneur, non. De prendre des vacances. Effectivement, quand on se fait demander ça, c'est pas mal. Quand on se fait suggérer des vacances, on se dit, ben là, voyons, pourquoi? Pourquoi je vais continuer? Mais là, des vacances de résultats, c'est intéressant. Puis ça a donné quoi? Ça a tout changé. Oui. Ça a tout changé. Parce que ça, quand quelque chose n'avançait pas, maintenant, l'endroit où je vais dans ma tête, c'est de dire, hey, pourquoi tu fais vraiment ça? Tu sais, parce que quand tu tiens une entreprise, les dents serrées puis les poings serrés, là, c'est difficile de closer des banques, là, tu sais. Oui. Bon. Alors, fait que ça a amené, puis je vais aller même plus loin, puis je vais donner un élément de coaching à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mm-hmm. Augmentez votre nombre de vacances et décidez-les un an à l'avance, parce que c'est soit vos clients qui gèrent votre entreprise ou c'est soit vous. Et je vous jure que vos revenus vont augmenter proportionnellement. Mes étudiants, par définition, prennent à peu près entre 6 à 10 semaines de vacances par année. C'est ce que je recommande au minimum. Puis, les revenus augmentent. Pourquoi? Parce que c'est la différence, nous apprend le courant miracle, entre faire et créer. OK. Créer ne procède pas de la même façon que faire. C'est-à-dire? Créer vient par définition du créateur tel que vous l'entendez, vous. Mm-hmm. Et vous n'êtes pas celui qui oblige l'inspiration. Vous êtes celui qui est traversé par l'inspiration. Donc, ça prend un espace. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, avant, j'étais 8 heures par jour devant le laptop, 5 jours semaine, puis on a été hypnotisé par les Christy de Pixel, là, puis t'as l'impression que tu fais avancer l'entreprise. C'est pas de même que non. Ça marche. Mais on se reconnaît tellement tout là-dedans, en plus. Mais là, c'est à l'encontre de ce qu'on est habitué de faire. Mm-hmm. Mais il y a aussi que le côté passion qu'on a, mm-hmm. Le côté intérêt, puis des fois, ça vient nous gruger tellement fort. Si je prends, je vais me prendre moi comme exemple, je suis le meilleur exemple que je parlerai pas au travers de mon chapeau. Si je prends moi avec les différents, qui tu sais, c'est un blog. Oui, je suis fonctionnelle sur les réseaux sociaux. C'est l'émission, c'est de trouver des sujets, trouver des gens qui sont intéressés, qui vont venir me parler. Mais à partir de là, moi, je les vois pas, là, les heures. Je travaille, puis je m'en rends pas compte. Mais à un moment donné, j'ai fait un 10 heures. Je m'en rends tellement pas compte, je fouille un peu partout. Puis ça, tout a rapport, je pense tout le temps à ce projet-là. C'est tellement, pour moi, important, les tabous, les préjugés, ces choses-là, que c'est pas un travail pour moi que de faire ça. C'est vraiment une passion pour moi d'abattre des tabous puis des préjugés. Et c'est ça, la dualité, c'est quand on se donne à notre grandeur puis à notre plus grand projet de vie, c'est comme une passion dévorante. Et le danger avec ça, c'est un peu comme un vase de cristal, OK? C'est extraordinaire, mais ça peut te ravager le cœur. Moi, je pense tout le temps à Jean Monbourquette, qui est extrêmement connu au niveau de la spiritualité, qui a fondé la Maison du deuil à Montréal. Et je l'interviewais un jour, puis il me disait, « Marie-Hélène, j'ai fait une crise cardiaque alors que je fais juste travailler pour étendre le bien sur Terre. » Puis je ne l'ai pas pris. Et c'est là que j'ai compris que Dieu nous a jamais demandé de faire 85 heures par jour dans ce qu'il nous avait confié. Mm-hmm. OK? Et on apprend dans le cours que la santé, c'est le refus d'utiliser le corps sans amour. Donc, c'est pour ça que, oui, faut comprendre que la passion, ça nous exalte, mais ça peut un jour nous ravager le cœur puis nous manger au complet. Donc, c'est pour ça que tu as besoin d'être coaché. C'est pareil comme un pur sang arabe que tu fais faire des courses, il va toutes les gagner. Je veux dire, on apprend dans le cours que ton plein potentiel, il est déjà à l'intérieur de toi, il est bâti, t'as rien à faire que de le laisser dérouler. Mais si t'es pas encadré, je veux dire, le cheval arabe qui est le mauvais cavalier, il se casse une patte, il est fini. Mm-hmm. De reposer dans le fond le véhicule. Exactement. Comme on parlait au début. En terminant, il reste pas beaucoup de temps. Déjà, je pense qu'il va falloir te réinviter. Est-ce que, n'importe quand, moi tu m'appelles, tu me dis, Mélanie, je m'en viens, pas de trouble. On parlait de des femmes, mais il y a aussi la peur de réussir. Un petit dernier conseil pour ceux qui ont peur de réussir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, par exemple, si c'est faisable? j'aurais envie de vous dire que vous allez réussir parce que c'est la volonté de Dieu que vous réussissiez. Pas parce que c'est à propos de vous, ça sera jamais à propos de vous, ça n'a jamais été à propos de vous. Mais c'est à propos d'étendre le bien et d'étendre la paix. Et donc, la réussite est déjà intrinsèque à ce que vous êtes. Maintenant, pour passer de la peur à l'amour, parce que dans le cours en miracle, on apprend que c'est ça le miracle, c'est un shift de la peur à l'amour. Mm-hmm. Il y a seulement une pratique spirituelle et cet exercice-là tous les matins de vous recentrer puis de chercher le prochain pas à faire qui va franchir ça parce que tout notre monde est bâti sur de la peur, Mélanie. Oui. C'est rien que ça qu'il y a autour. Oui, mais c'est tout ce qu'on entend, puis même aussi, on a pour plusieurs été éduqués par la peur. Fait que la peur, elle est omniprésente, c'est partout. Et je conclurai en disant qu'à chaque fois que vous avez peur, c'est un signe immanquable que vous essayez de procéder juste par votre petit pouvoir et que vous êtes séparé de Dieu. Donc, c'est de se ramener. C'est de se ramener. Si on veut, si on veut par exemple, soit avoir de l'information pour l'école pleine pratique, on peut être conscient aussi. Pour ceux qui étaient là au début, là, vous pouvez être en pleine conscience à l'école pleine pratique. On peut rejoindre Marie-Hélène. Il y a soit le numéro de téléphone 1-844, c'est bon celui-là? Oui. Oui, 1-844-522-6224 sur le site Internet aussi d'Affaires Pleine Conscience. Je vais mettre tous les liens sur la page Facebook Les Différents. Il y a des conférences aussi, si je ne me trompe pas, qui s'en viennent. Oui, je crois. Oui, à Québec, il y a le 18 novembre, il y a à Montréal le 14 octobre et Saguenay le 23 septembre. On parle de quoi dans cette conférence-là? En fait, on fait une tournée au Québec avant de faire la tournée en Europe au printemps, comme à chaque printemps, et on va, on est là 4 jours, donc une journée sur la soirée de miracle, qui se veut une introduction au cours en miracle, qui est pour tous les publics. La deuxième journée, qui est une journée pour entrepreneurs spirituels, avec lequel on innove cette année, Jean-François Brobion va être avec nous. Ça va être hallucinant la journée, parce que c'est un mix sur les enseignements du cours en miracle et des stratégies ninja, puis il va y avoir un moment de réseautage stratégique. Donc, vous allez ressortir avec des solutions pour votre entreprise, à votre problème le plus pressant. Et également, parce que, bon, j'ai une autre passion, je suis aussi clairvoyante. Et donc, je fais 2 jours en certification en lecture angélique. J'ai toujours gardé ça aussi. C'est tellement connexe à ce que je fais. Et puis, ça poursuit ma mission d'empuissancer les gens à utiliser tout ce qui est possible pour réussir. Tous les détails, je vais, comme je dis, je vais les mettre sur la page. Ou sinon, il y a aussi la page Facebook de l'école Pleine Pratique. Marie-Hélène Rézy, c'est déjà tout. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passée à l'émission. C'est une belle découverte. Je crois qu'il y a des gens aussi qui viennent de découvrir aussi. Puis moi, je suis bien charmée, puis je suis très contente. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi et à tous ceux qui nous ont prêté leur temps aujourd'hui. Ça fait plaisir.